le clodo anard qui gerbe sur les socialos bobos son mauvais pinard. Plus loin, toujours à 7h, il y a l'enjoliveur du soir et pisse le chien. Un nom qui va bien à ce putain de clébard qui pisse sans fin en suivant les odeurs, les relents de chaleur qui le mène sur le chemin d'une chienne qui lui ferait bien une faveur. Train-train quoi, pour le quotidien. Quoique ce soir il pourrait bien pleuvoir de la merde ou des dollars. J'ai le QIHS, le cerveau d'une poule, les neurones d'un sermon à la messe. Je suis man on the moon. Sur le parking c'est la moiteur, le boule débile d'un petit dealer et triple dog accro d'un gros facho. Autour, fils de prolo, nés chômeurs et d'élite sale gueule, fils d'ailleurs, tirent sur leur bédo. Plus loin, en planque, la BAC attend son heure. Flashball, matraque et lacrymo pour contrôler claque. Faire du vrac pour les sondeurs, rassurer la France qui a peur. Comme tous les soirs, quoi qu'à 7h, il pourrait bien pleuvoir du para ou des éducateurs. Je me sens frite molle oublié au fond d'une barquette sale abandonnée au matin d'une nuitée trop arrosée pour fêter l'arrivée de l'éthylotesse en soirée. J'suis man on the moon. Plus tard, affalé et peinard, je me la joue sans idée noire, pas de cadavre dans le placard. En fond, entre deux pubs, les stars d'un tube déballent leur histoire à deux ronds. Je les regarde sans conviction et leur porte moins d'intérêt que cette mouche sur le plafond qui compatit à leur dépit d'être pris pour ce qu'ils sont. Le ronron quoi, la télévision. Quoique là, je suis sur basse tension. Time break, line out. Dans la tête, plus rien que du yaourt.